say. Word up. Et shit the fucked up, yo. Tout autour de moi, c'est une tragédie, yo. Les jeunes peuvent plus jouer comme avant. Non mais. Maintenant, y'a plus des parcs, yo. Y'a juste du vide cassé. Des sirènes. Non mais. Une maladie. Gunfight, drug dealers partout, yo. Word up. Y'a en plus de ça, yo, y'a pas justice. Les popos nous servent, non mais. Mais yo, fuck popo, yo. Maman, wash no back, yo. Check the back pour la paix, yo. Et nos amis, yo, fuck em. Et les play haters, tout ça, yo. Comme SP a dit, yo, si c'est wack, fais mieux. Maman, word up. C'est l'enfer sur terre, yo. Je représente pour mes soeurs et mes frères. Le rap du cœur, yo. Word up. Et c'est comme ça.